Primeur qu'on a annoncé sur les ondes de danradiosport.com, il y aura un match à Alma cette année entre les, le Drakkar de Bécomo et également les Saguenayens de Chicoutimi. Ça aura lieu le 7 septembre prochain. Évidemment, c'est dans la série de matchs que les Saguenayens ont décidé de faire au Lac-Saint-Jean. On va parler avec le directeur des opérations des Saguenayens de Chicoutimi, Serge Pau. Salut Serge! Salut Danny. Serge, évidemment, c'est comme rendu une tradition de pour les Saguenayens de disputer un match au Lac-Saint-Jean. Et pourquoi Alma cette année? Ben, je pense que Alma, c'est quand même une des grosses villes du Lac-Saint-Jean. On était allé il y a 2 ans à Robertval. L'an dernier, on s'était rendu à Dolbeau, puis on voulait vraiment aller à Alma. Donc, présentement, tout était bien aligné. Là, il y avait de l'ouverture de leur part. C'était possible pour le faire et pour nous, c'est sûr qu'on voulait y aller. Donc, les deux parties sont très, très contents de la présentation de cette partie-là qui va donner quand même un bon spectacle contre le Drakkar de Bécamo. Et les deux équipes rendues à cette date-là vont être formées à 100%. Donc, ça risque d'être très intéressant comme match. OK. Donc, c'est évidemment, les coupures, parce que ça va être quoi, 2 semaines avant les matchs, le début de la saison régulière. Donc, c'est pour ça, là, parce que, évidemment, il faut faire les coupures avant le début des écoles aussi, là. Oui, effectivement. Pour ce qui est des joueurs d'âge collégial, c'est immédiatement la première semaine. Le camp d'entraînement va commencer le 15 août. Et le 22 août, il faut que les joueurs collégiaux d'âge collégial soient vraiment retournés, ceux qui ne feront pas l'équipe et ceux qui vont demeurer pour être certains qu'ils puissent s'inscrire au cégep de Chicoutimi. Et pour les autres d'âge scolaire, ça va jusqu'à la fin du travail. Mais eux aussi, dès début septembre, faut qu'ils soient retournés, là, ceux qui ne resteront pas avec l'équipe, faut qu'ils soient retournés dans leurs équipes midget respectives. Donc, c'est sûr qu'au mois de septembre, lorsqu'on va se rendre à Alma, ça sera l'équipe complète des Saguenayens et l'équipe complète du Drakkar. OK. Serge, est-ce que c'est les gens d'Alma qui vous ont contacté ou c'est vous avez contacté Alma? Non, c'est nous qui les avons contactés. Eux, ça a été très, très rapide. Dès qu'on a manifesté vouloir y aller, ils ont répondu présent et ça s'est fait très rapidement. Une collaboration exemplaire. M. Roger Descostes a été vraiment la personne clé dans tout ça, mais les gens allemands étaient très, très réceptifs. OK. Serge, puisque j'étais en ligne, on va parler un peu du repêchage. Écoute, j'étais avec vous autres samedi, il y a de quoi être fier, là. Écoute, Théo Rochette, également Hendrix Lapierre, je voyais que vous avez lancé votre campagne de billets de saison. Moi, je sens un buzz. Est-ce que, envers les Saguenayens, est-ce que tu sens la même chose? Ben, honnêtement, il y a deux temps à ta question. La première chose, dès qu'on a mis les billets en vente au mois de mai, okay, à notre saison, tout ça, il y a eu 500 détenteurs de billets de saison et à travers ça, il y a eu à peu près une vingtaine de nouveaux détenteurs qui se sont manifestés, qui ont acheté leurs billets. Donc déjà là, on avait quand même là 500 personnes, c'est quand même bon là pour le printemps. Et avec ce qui vient de se passer au repêchage, bien, c'est sûr que là, les gens sont vraiment enflammés. On le sent, pour utiliser une expression anglophone, la vibe est très, très bonne présentement là au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis je pense qu'on va avoir quand même beaucoup, beaucoup de détenteurs de billets de saison cette année. Et je pense également que les gens vont, s'ils peuvent pas acheter des billets de saison, vont venir souvent au match. Car vraiment, on le sent, là, c'est vraiment un engouement qui est assez majeur, qu'on n'a pas vu depuis longtemps à l'entour des Saguenayens, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Serge, aussi, vous avez une bonne nouvelle, mais ça, c'est le plus du côté scolaire. La semaine dernière, ça n'a pas passé nulle part, mais il y a eu votre conseillère pédagogique, Joanne, a remporté le prix de conseillère pédagogique de l'année dans la Ligue de hockey junior du Québec. C'est une belle nouvelle, ça. Ça montre à quelque part comment que les sacs et les études, ça va de pair. Oui, nous, on est dans le premier quartile au niveau de la Ligue junior majeure du Québec, des équipes là, qui mettent beaucoup, beaucoup d'emphase sur les études. Et Joanne Leblanc, qui fait un travail colossal depuis maintenant 4 ans, eh bien, a finalement été récompensée pour tous ses efforts. Elle met beaucoup d'énergie, beaucoup d'heures. Les joueurs sont très, très bien accompagnés. Et crois-moi, Danny, elle ne l'a pas volé, ce titre-là. Elle le mérite amplement. Et en tant qu'organisation, on est très, très fiers. Ça va justement dans la philosophie de l'organisation des Saguenayens. L'an passé, en toute humilité, c'est moi qui avais gagné le titre de directeur administratif de l'année à travers la Ligue. Maintenant, Joanne, On travaille très fort au niveau marketing et je peux vous dire qu'au niveau là, des Saguenayens, présentement, l'organisation se porte à merveille. Serge, on va s'en reparler sûrement durant la saison. Félicitations, bon été et on s'en reparle. Merci beaucoup, bonne saison estivale à tous. Le directeur des opérations des Saguenayens de Chicoutimi, Serge